Bonne soirée avec Fadjet, il est 20h. Chers auditeurs, ça y est, c'est la première émission plus que du métal. Merci à vous de nous suivre. Qu'est-ce qui va se passer dans cette émission? Bah, du métal, du hard, tous ses dérivés, des news, des actualités et des invités, les premières invités. Salut les gars. Salut. First Wand, hein. Eh ben, allez-y, présentez-vous, n'ayez pas peur. Salut, je m'appelle Adrien, je fais de la basse et des chœurs. Des chœurs dans First Wand, là, dis donc. Eh ouais. D'accord. Et moi, c'est Arnaud et je fais de la batterie dans First Wand. Ok, on va revenir un peu plus tard. Vous allez nous expliquer ce que vous faites, ce que vous avez fait, ce que vous allez faire. On veut tout savoir de First Wand. Et vous saurez tout. Bah, j'espère bien. Allez, quelques news, quelques rumeurs, c'est plus que du métal. Alors, plus que du métal, en fait, vous avez vu, c'était un petit Massisteria. Forcément, plus que du métal, titre de Matière Noire. Excellent titre de Matière Noire de Massisteria, c'est un petit clin d'œil. Allez, quelques news, quelques actualités. Bon, début janvier, il se passe pas grand-chose, mais par contre, il va se passer pas mal de choses dans cette année 2019. Donc, First Round, on verra ça plus tard. Hein. Allez, quelques sorties d'albums en 2019. On aura Rammstein, Mastodon, Lamb of God, les célèbres Korn, Gojira. Très très bon Gojira d'ailleurs, qui seront aussi au Hellfest. Les Deftones, Carcass, Body Count, Amon Amarth. On aura aussi certainement un nouvel album de AC/DC avec Brian Johnson qui revient et Phil Rudd, bien entendu. Et nous aurons aussi, bien sûr, un album de Slipknot, tête d'affiche du Knotfest. Eh ben, on va les écouter. All Out Life, le prochain morceau. Alors là. On entend. Tu l'as en casque ? Ok, super. C'est bon. I'm gonna show you what I know. I'm gonna show you what I do. Voilà donc le dernier Slipknot à suivre donc au Knot Fest. Alors revenons à nos invités, les First, First Wand. Allez, dites-moi voir. Qu'est-ce qui vous, depuis combien de temps vous existez? Qu'est-ce que vous faites comme musique? Allez-y. Quel chanteur déjà? Quel chanteur de First Wand? Oui. Et toi? Oui. Ok. ça va faire 4 ans qu'on existe bientôt. D'accord. On est passé par plusieurs membres avant d'atteindre la formation actuelle. La formation originale, ouais. Ça fait quoi, 1 an et demi qu'on est dans cette formation-là? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, un an et demi qu'on s'est stabilisé comme ça, à 3. Ok. Et puis que ça se passe bien. Voilà, on n'a pas encore pris le temps de se poser pour enregistrer quoi que ce soit, mais. Et vous faites pas mal de concerts, vous faites pas mal. Je sais que il y a 2-3 ans, la fête de la musique, je vous avais vu, moi. Oh. Et ouais. C'est pas vrai. Et ouais. Non, effectivement, ouais, on a quelques concerts, alors on fait vous pas tournez, des. Vous avez tourné où? Vous avez fait des. Alors tourner, le mot est fort. Oui, tourner, le mot est fort. Mais effectivement. On a tourné dans Nancy. Mais non, et même plus loin, on est déjà allé à Volmerange-les-Mines. C'est dans le 57, à côté du Luxo. D'accord. Non, on a. Je dirais qu'on fait une dizaine de dates chaque année. On a un peu tous nos emplois du temps, on bosse, soit on est lycéen, donc ça limite tout de suite hein, pour faire des tournées, et puis surtout on reste un groupe de kids, comme on dit, un groupe de jeunes. Ouais. C'est-à-dire que, comme disait Théo, le groupe a 4 ans, il s'est formé autour de musiciens qui avaient, je dirais, 13-14 ans de moyenne d'âge. Le temps que ça mûrisse un peu, que ça se stabilise, qu'on trouve un peu ce qu'on aime faire. Qu'on s'organise, parce que ça demande de s'organiser, qu'on prenne le temps de faire les choses, bah ouais, ça fait que là ça fait 2 ans qu'on commence à essayer sérieusement de faire des concerts, à essayer de se montrer sur la scène nancéenne, et ça marche. Enfin, on s'est déjà fait booker à droite à gauche. Ouais, vous êtes déjà passé où? Le dernier concert en date, c'était au désormais Feu Rifter, ouais. La péniche qui était quai Sainte-Catherine. Ouais. On avait joué avec un groupe hollandais qui s'appelle Sweet Empire et un groupe du coin qui s'appelle Circuit Court. C'était l'association Malfamée qui organisait ça. Okay. C'est une chouette orga et ça a été vraiment plaisir de jouer avec eux. Et ça fait partie des rares orgas du coin, on va dire, qui organisent assez fréquemment. Donc, ouais. D'accord. Comment vous caractériseriez comment votre musique? Question piège. Eh ouais, bah, il fallait bien la poser. Tu dirais quoi, toi? Voilà. Je pense qu'on a plein d'influences. Ouais, en fait. Vos influences, ouais, ça serait quoi? C'est ça, on a du Nirvana. C'est ça. Sinon, si on devait donner des gros groupes, Nirvana, Green Day. Ouais. Ensuite, en plus francophone, peut-être Guérilla Poubelle. Mais dernièrement, on s'est aperçu qu'on aimait bien faire des choses assez émo, on va dire. Des groupes à la genre Knuckle Puck. Mais sinon, on essaye de garder. Enfin, on chante tantôt en français, tantôt en anglais. Okay. Ça dépend assez franchement de qui a composé le morceau. Mais ouais, tu vas trouver du punk rock. Tu pourras trouver des bonnes influences, peut-être un peu grunge. Et puis des passages un peu mélodiques, un peu plus légers, comme tu trouves sur la scène emo. Eh ben, on va écouter ça. Hein, le morceau qui suit Glue de First Wand. C'est parti. Give me an answer, please. Help me, now I'm gonna cry. Give me an answer, please. I'm gonna cry. donc c'était le morceau de First One Glue. Alors on a parlé un peu de votre passé, mais et l'avenir. L'avenir, on a quelques dates qui approchent. Ouais, alors vous allez tourner où ? On va de la Palestine, je crois. Ouais, c'est ça, Place Maginot, le 16 mars, donc sur Nancy. Ouais. On a notre date la plus proche, ça va être un dimanche 28 février, donc on retourne à 24, pardon. Ah, à Wolverhampton. Heureusement que tu lui as dit, parce que. Ouais, on retourne jouer à Wolverhampton, au No Man's Land, avec un groupe qui s'appelle Tomorrow Massacre, qui est un groupe parisien qui a plein d'influences, qui est difficilement catégorisable. Ça va de la chanson un peu new wave à la balade acoustique. Ouais, c'est un peu perché, mais c'est fort sympathique. C'est avec des membres notamment de Stigmate et Guérilla Poubelle dedans. Donc on est assez content d'aller faire cette date. Ils seront eux-mêmes de passage à nouveau à Nancy le lendemain au Black Baron le lundi. Au donc Black 25. Baron, ouais, okay. Donc deux dates de prévues prochainement. Ouais, plus. Et on en a quelques-unes un peu plus tard en mai notamment. On a un tremplin à Séchamp qui s'appelle la scène des ménages. On a été retenus. Foyers sociaux. Aux foyers sociaux, exactement. Aux centres sociaux, pardon. Oui, culturel, d'accord. Exactement. Okay. Il me semble que la date n'a pas été arrêtée, mais c'est en mai, en tout cas. Et le tremplin peut donner à... Je sais même pas. En fait. C'est plutôt, je pense... C'est juste des concerts. Ouais, c'est vraiment découvert de la scène locale, surtout, avant tout. D'accord. Ok. Puis regrouper les groupes et compagnie. Et puis regrouper les groupes et compagnie. D'accord. Et j'ai cru entendre dire... Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une demi-heure à peu près, que vous alliez enregistrer des morceaux. Allez, expliquez-moi ça. On va essayer de le faire. Ouais. Non. Vous avez combien de morceaux ? Vous avez des morceaux de prêt ? Dehors de prêt, ouais. Il y a vraiment une flopée de prêt. Ouais. C'est ça. On essaie vraiment de finaliser ce qu'on a composé de nouveau pour ensuite se permettre de se dire on va enregistrer quelque chose avec ce qu'on aime vraiment. C'est ça. On va essayer de pousser le plus possible les morceaux. On va pas s'amuser à pondre simplement, vas-y, une compo qu'on trouve sympa, qu'on aura joué deux fois en concert. On va essayer de reprendre ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, pour aboutir vraiment et faire le choix le plus objectif possible et se dire, cool, on va enfin pouvoir jouer vraiment ces morceaux. On aura mis tout notre boulot dedans donc c'est un travail. On est encore en phase, donc, de finalisation. Et on va essayer de booker une session d'enregistrement. Je pense que ce sera courant de l'été. Ça dépend de nos emplois du temps, mais comme dit, on est lycéens et on bosse. Moi perso, je viens seulement de signer mon CDI, donc du coup j'ai pas de congé. Mais ça devrait tomber logiquement en été. D'accord. Vous avez combien de morceaux ? Vous avez dit que vous avez à peu près une vingtaine de morceaux de prêt, mais vous composez depuis le début ou vous contentez de reprises en fait ? Compose depuis le début en fait. Mmh. Blue était la première composée, j'ai fait toute seule. Tu l'as composé tout seul, ouais. Et Arnaud m'a proposé de faire un groupe après l'avoir entendu, je crois. Mmh. C'est ça. Et du coup, c'est comme ça qu'on a monté ça en fait. Ouais, c'est parti de là vraiment. Avec des copains du lycée en fait à la base. Ouais. Mmh. Et Blue, il sera sur. Peut-être la galette ou pas ? Peut-être, mais aucune idée. En fait, si on trouve d'autres titres qui nous plaisent davantage, qui sont plus aboutis, qui représentent davantage ce qu'on aime faire depuis un ou deux ans, peut-être qu'on prendra d'autres titres. En fait, Glue, c'est, donc, comme dit, c'est un vieux titre, quoi. Ouais. Et là, c'est ce qu'on se disait pendant qu'on l'écoutait, c'est que on l'a pas mal modifié, enfin, pas mal. Ça reste la même trame, hein, y a pas de problème, mais elle est un peu plus vénère. C'est dur de s'entendre. Elle a 3 ans aussi. Ouais, elle a 3 ans, donc c'est du coup. Donc c'est pour ça, on se fixe pas, on se dit pas, c'est notre titre qu'on a propre aujourd'hui, et du coup c'est obligé, faut qu'on la réenregistre, qu'on la mette absolument dans cette galette. Comment ça se passe le processus de composition ? Vous composez tous les trois ou il y en a un vraiment Alors principalement c'est Théo et Adrien. Ouais, donc Arnaud ne fait rien. Arnaud, en fait, on le retrouve au Hellfest pendant que les deux autres composent. Hein, j'ai compris, c'est à peu près ça le système du groupe. Ouais, d'accord. Ouais, donc musique et paroles, peut-être Théo plus les paroles, certainement. Alors, en fait, non, vraiment, Adrien, quand il ramène quelque chose, il essaie d'écrire les paroles aussi. D'accord. Après, c'est vrai que dans les 20, vu que ça fait plus longtemps que je suis dans le groupe, j'ai plus composé, mais. À terme, je pense qu'on arrivera à quelque chose d'assez équitable. Après, c'est ça. Par exemple, Adrien écrit plus en français. Et moi, je suis plus du genre à écrire en anglais à la base. Bon, après, tout dépend du sujet que j'aborde aussi, mais. Effectivement, ensuite on bosse pas mal en, on va dire c'est assez monobloc, on n'est pas trop dans une écriture collégiale et très théorisée, on va dire, de la musique. Ouais. C'est plus chacun dans notre coin, on trouve un petit peu une petite mélodie qui va bien, un petit riff, un petit, une ligne basse qui peut construire un morceau, un couplet, un refrain qui nous plaît bien et surtout qu'on arrive plus ou moins à poser les paroles dessus. Je dirais que depuis que je compose dans le groupe, à chaque fois c'est celui qui a importé la musique, en fait, qui a écrit les paroles. Ok. Assez... Toi, Théo, ça te gêne pas de chanter les paroles de quelqu'un d'autre ? Non, parce qu'en fait, souvent aussi, il va chanter les D'accord. Ah oui, les chœurs. Ouais. Il fait les chœurs. Exactement. Oui, j'avais oublié, il fait les chœurs. Tu déconnes, mais c'est hyper important. Non, mais c'était sur la façon dont tu le disais, en fait. Par exemple, il y a trois nouveaux morceaux d'Adrien qui ont été ramenés assez récemment en répète. C'est lui qui les chante entièrement, dans le chant principal. Donc, et moi, je fais les chœurs, du coup. On échange de place comme ça et... C'est plutôt rigolo. Alors on va passer une nouveauté, Flotsam and Jetsam, vous connaissez ? Pas du tout. Pas du tout, vous allez connaître. Et puis bah, pendant le temps, vous allez vous préparer pour faire une petite session live acoustique en direct, ok ? Allez, ça part. Allez, ce sera parti. Yeah! Flotsam and Jetsam Control, nouveauté 2019. Bon, ça ménage, hein, hein les gars. Un peu, hein. Allez, c'était promis, un petit morceau en direct, acoustique, par les First Round. C'est le titre du morceau. Ça s'appelle La vie en noir. La vie en noir, heureusement qu'elle n'est pas en rose. Allez, c'est parti. Être devenu si triste, pourtant pas si indélébile. Un bonheur si gracieusement effacé, douloureusement interprété. Sorcière heureuse, et dans ses cendres un cœur brisé. La vie en noir n'est pas si compliquée. Crois-tu qu'elle n'est pas heureuse? Entre quatre murs brisés, martyr d'un esprit torturé. Sans donner de chance à ma vie, je reste un homme vidé de sa substance. Cette matière visqueuse, et dans mes cendres un cœur grisé. Le fond est vide de sens, la forme est si cassée par le temps. First One, nouveau morceau ou pas nouveau morceau? Oui, nouveau morceau. Nouveau morceau. Ouais. C'est bien, j'ai entendu les chœurs là. Ah, par contre, Arnaud, pas de chœur. Ah non, non, vaut mieux éviter, je crois. Ah, d'accord. C'est ça. Une dernière question. Votre groupe, il était assez évolutif finalement. Il est ouvert ou pas un deuxième guitariste, par exemple, ou pas, je sais pas. C'est une question qu'on... On avait parlé, justement, on n'en a pas reparlé depuis, mais... Ah, bah c'est peut-être surposé la question. Bah, en vrai, jusqu'en juin de cette année, on était quatre. Ouais. On était donc à deux guitares. Arnaud, qui fait de la batterie aujourd'hui, faisait de la guitare, c'est solo. Ah, multi-instrumentaliste. Bah, bassiste. Ouais. Et il a commencé bassiste. Ah, on dirait pas comme ça. Hein. Merci. Et donc, ouais... ouvert en fait. Et ouais, du coup on a un peu recomposé nos morceaux pour qu'ils passent convenablement à trois instruments au lieu de quatre. Et si demain il fallait recomposer à quatre, je pense que ça reviendrait. Mais bon, pour l'instant ça marche bien à trois. Mais votre envie serait d'avoir un deuxième. Bah, ça marche bien à trois. C'est vrai que ça marche bien à trois, c'est pour ça qu'on se pose plus trop la question. Mais. J'ai toujours été plutôt pour un deuxième guitariste. Ok, il y a débat. Voilà. sans vouloir m'énerver ici. Ouais, non. Eh ben c'est bien. Donc voilà, First One, donc je rappelle, vous passez, allez-y, ça sera peut-être plus simple. Les prochaines dates de concert, donc je sais qu'il y a peut-être l'enregistrement en été. Les prochaines dates de concert, c'est... C'est le dimanche 24 février à Volmerange-les-Mines au No Man's Land avec Tomorrow Massacre. C'est ça. Le 16 mars, Place Maginot pour le printemps de la Palestine, donc à Nancy. Et ensuite, ce sera en mai, à Séchamp, au centre socio-culturel. Il me semble que la date n'est pas arrêtée encore. Super. Merci d'être venu, vous restez avec moi jusqu'à la fin. Ah ouais, volontiers, c'était cool. Merci de nous avoir invités. Merci bah non. Pour l'invite, super sympa. Et là, on va faire passer, alors, plus que du métal, il n'y a pas que du métal, mais il y aura un petit peu de métal quand même dans cette musique. C'est une chanson de U2, reprise par Sepultura. C'est parti. Ah. Like a rose on a thorn bush, like all the colors of a royal flush. And he's peeling off those dollar bills, slapping them down. 100, 200, and I could see those fighter planes. And I could see those fighter planes across the mud as where the children sleep, through the alleys of a quiet city street. You take the staircase to the first floor, turn the key and slowly unlock the door. As a man breathes into a saxophone, and through the walls you hear the city groan. Vaya galera. Outside. this America. Last I. Last side is America. Outside. Outside is America. Outside. Outside is America. Outside is America. Vous parlez, les gars, c'est Cultura, ouais. Ouais, plutôt, ah ouais. Oui. Quelle période? Ouf. Les années 90, quand j'avais un an. Ouais. Ouais, mais c'est là où il y a les meilleurs albums. Hein. Ouais. Alors, plus que du métal, il y aura toujours justement un album historique. Hein. Donc là, on va voir l'album de Wasp, The Endless, Endless Children. Vous connaissez Wasp, les gars? Oui. Uniquement de nom. Ouais. De nom? Ouais. Alors, deux albums qu'il faut retenir de ce groupe, c'est donc l'album cité, The Crimson Idol. Excusez-moi. Donc, pour cet album, donc, s'ouvre sur ce morceau fantastique, The Heretic, que l'on verra, on écoutera par la suite. En fait, grâce à cet album, ils sont passés en fait d'un rock somme toute festif. Un métal bien lourd comme du plomb. Eh oui. Dans cet album, on trouve aussi un morceau des Who. Vous connaissez les Who? Absolument. Absolument pas. Ah si. Ah, c'est bien. donc Zero All Me, hein, ce qui est guère surprenant parce que ils sont fans des Who, tout simplement. Un autre morceau très très intéressant, The Neutron Bomber, qui bénéficie donc d'un riff abrutissant et d'un refrain digne d'une chorale dont le résultat est à l'image de son nom. Bref, si vous avez deux albums de Wasp à acheter, c'est celui-là et The Crimson Idol qui est vraiment, alors pour le coup, il y a match entre les deux. Allez, on écoute The Heretic, The Lost Child. Wasp, The Retic, The Last Child. Alors ouais. C'est assez glam rock, c'est cool. Moderne, ouais, 89. Hein. Non, glam rock, pas ah, moderne. Pardon, autant pour moi, ouais, j'ai pas bien compris. Alors, dans plus que du métal, qu'est-ce qu'on va trouver aussi? Bah, les futures sorties concerts. Vous fréquentez quelques scènes au jamais, vous, jamais. Non, si, si, si, si bien sûr. Hein, non, non, non, si, on sort carrément souvent en concert. Ouais, vous allez voir. Là, dernièrement. Le prochain, par exemple. Bah, le prochain, moi perso, c'est Idols à l'autre canal. Ouais. C'est en mars ou en avril. Puis, on va voir, je pense que je vais aller voir Intenable à Metz au Troubadour en acoustique, mardi 26 janvier, je crois. D'accord. Et toi, Théo et Arnaud? Alors moi j'étais à la MS voir un groupe de pop punk qui s'appelle V90 à la Chaoué. Et prochainement pas grand chose. Pas grand chose. Ouais. Bah, je vais vous donner des idées. Bon, c'est le début d'année, hein, c'est, ça se bouscule pas. Le 26 janvier, on a à l'autre canal, Powerwolf, qu'on retrouve ouais. d'ailleurs au Knotfest, hein, avec Amarante et Kissing ouais. Dynamite. Le 8 février, toujours à l'autre canal, à Avatar. C'est assez, assez sympathique. D'ailleurs, je vous ferai un petit résumé, j'y vais. Et le 9 février, donc le lendemain, on a un petit tribute de Iron Maiden, de Ozzy Osbourne et Megadeth chez Paulette, où il y a pas mal de tributes en ce moment qui passent et ça devient un petit peu à la mode. Allez, on va voir le dernier Powerwolf, justement, donc qui passe le 26 janvier, si vous avez de la chance d'avoir des places, car il me semble que c'est complet. Powerwolf, du bon power, power metal, hein, c'est ce qu'on peut dire. Hein. Voilà, donc la première de plus que du métal, c'est pas fini, vous inquiétez pas, mais quand même touche à sa fin. Donc je vous rappelle que plus que du métal, c'est tous les deuxièmes lundis du mois. C'est généralement, c'est juste le lundi qui suit le rime, la citrouille. Je vous remercie, First Ground, donc, d'avoir fait l'amabilité de venir pour cette première. Mais merci de nous avoir invités. Super sympa. Ben, en espérant bientôt se voir. Alors, ça peut être assez chiant, hein, peut-être assez chiant. Ça allez. Peut-être. Donc, nous, on se retrouve le 11 février. Le groupe invité s'appelle Willful. Alors, je vous en dirai plus, mais juste pour vous dire qu'ils sont invités aussi au plein air de Gerny en même temps que les Massisteria. Allez, on va se faire un petit plaisir. Salut les First Ground. On va se faire un petit plaisir pour finir avec un petit Killing in the Name. Allez, c'est allez. Parti. Ça va les amis ? Fuck you!